comment dites-vous « je pars » Parto. Parto, oui. Vous pourriez aussi dire « je sors », ce qui donne Non. Esco. Esco, très bien. Et donc, à quelle heure sortez-vous, donnerai A che ora esce? A che ora esce? Oui. Il y a une autre possibilité que esco. C'est de dire je m'en vais. Comment diriez-vous ça? Va. Je m'en vais. Vado. Vado, oui. Ça, c'est je vais, en fait. Pour dire je m'en vais, c'est vado via. Vado via. Oui, vado via. Ou alors carrément un calque du français, c'est-à-dire mot à mot, je m'en vais. Comment dites-vous ça? D'abord, comment dites-vous en? Né. Né. Et donc, je m'en vais? Mi vado. Pardon? Mi vado. Mi ne vado. Oui, mais quand mi est suivi d'un mot comme ne, il devient me. Me ne vado. Me ne vado. Oui, je m'en vais. Me ne vado. Et comment diriez-vous je dois m'en aller? Je ne peux pas attendre. Ça prend trop de temps. Devo uscire. Devo uscire est correct. Mais ça veut dire je dois sortir et non pas je dois m'en aller. Qui se dit devo? Devo me ne. Devo an. Ah d'accord, il faut mettre le verbe d'abord? Oui. Devo andare ne me. Andare. Me ne. Avec l'infinitif, les mots comme me ou ne sont collés derrière. Devo andarmene. Attention à l'accentuation, qui reste la même que pour l'infinitif. Devo andarmene. Voilà, c'est ça. Devo andarmene. Devo andarmene. Alors, continuons notre phrase. Je dois m'en aller. Je ne peux pas attendre, ça prend trop de temps. Devo andarmene, non posso attendre. Attendre, aspettare. Oui, non posso aspettare, ça prend trop de temps. Ci vuole molto tempo. Ça, c'est « ça prend beaucoup de temps » et non pas « ça prend trop de temps ». Ah, « ci vuole troppo molto tempo ». Là, vous avez dit « trop beaucoup de temps ». Il suffit de dire « troppo ». Troppo tempo ou troppo di tempo? C'est « troppo tempo ».« Troppo » se comporte comme « molto », c'est-à-dire « qu'il n'est jamais suivi de di. Troppo tempo. Troppo tempo, c'est ça. Ci vuole troppo tempo. Revenons au début de la phrase. Redites-moi, je dois m'en aller. Devo. Devo. Andarmene. Comment? Devo. Andarmene. Redites-le encore une fois. Devo. Devo andarmene. Voilà, c'est ça. Devo mandarmene. Non, pardon. Devo andarmene. Je confonds avec mandare, qui veut dire envoyer. Tiens d'ailleurs, comment diriez-vous, pouvez-vous lui dire de me l'envoyer aujourd'hui parce que j'en ai besoin? Commençons par pouvez-vous lui dire. Può lui... Non. Lui dire. Può dirle? Oui, ce n'est pas impossible. Si c'est une femme, effectivement, vous diriez « può dirle ». Mais supposons que ce soit un homme. « Può dirle ». « Può dirgli. Oui, può dirgli. Può dirgli de me l'envoyer aujourd'hui. Di me l'envoyer. Mandarlo. Mandarlo, c'est l'envoyer. Comment dit-on me l'envoyer? Mais. Me l'envoyer. C'est un infinitif. Mandarmelo. Mandarmelo, oui. Donc, au lieu de Milo, on a Melo. Et s'il y a un infinitif, vous le rattachez à la fin, voilà. Alors, reprenons. Pouvez-vous lui dire de me l'envoyer aujourd'hui parce que j'en ai besoin? Et d'abord, pouvez-vous lui dire? Pour dirgli. Pour dirgli de me l'envoyer. Pour dirgli di mandarmelo. Oui, mais l'accentuation doit rester la même que si vous aviez l'infinitif tout seul. Quel est l'infinitif envoyer? Mandare. Mandare, avec l'accent sur le deuxième A, mandare. Et donc, de me l'envoyer se dit... Mandarmelo. Voilà, c'est ça. Mandarmelo. Mandarmelo. Aujourd'hui. Oggi. Oggi, oui. Parce que j'en ai besoin. Perché. Oui. O. Oui, allez-y. Je ne sais pas trop où mettre le « en » de « j'en ai besoin ». Eh bien, commencez par dire « j'ai besoin ». Ho bisogno di. Ça c'est j'ai besoin de. L'italien est identique au français dans sa construction. On ne dit pas j'ai besoin de le ou de la. On dit j'en ai besoin. Comment dit-on en italien? Ne. Bon, et comme je vous le disais il y a une seconde, ce ne se place au même endroit qu'en français. J'en ai besoin. Ne ho bisogno. Tout à fait, oui. Ne ho bisogno. J'en ai besoin.